l'olivier, aujourd'hui, est arrivé au-delà des Alpes et au milieu des Gaules et des Espagnes. La meilleure huile provient de l'olive verte et dont la maturité n'a pas encore commencé. C'est celle dont le goût est préférable. Dans cette huile, le premier pressurage est le plus beau. Les huiles suivantes vont en diminuant de qualité, soit qu'on presse à travers des filtres, soit que, d'après ce nouveau procédé, on renferme le marc dans de minces réglettes. Plus l'olive est mûre, plus le sucre exprimé est gras, et moins il est agréable. Pour un produit, conciliant l'abondance et la qualité, le meilleur moment de récolter est quand l'olive commence à noircir. L'huile, différente en ceci du vin, prend un mauvais goût en vieillissant, et le maximum de son âge est à 1 an. C'est là, si nous voulions le comprendre, un prévoyant de la nature. Le vin, qui naît pour l'ivrognerie, n'est pas d'un usage nécessaire. Loin de là, le goût flatteur qui gagne en vieillissant invite à le garder. Mais elle n'a pas voulu qu'on épargnât l'huile, et par sa nécessité, en a rendu l'usage commun et général. En se produisant encore, l'Italie tient le premier rang parmi toutes les nations. L'Afrique me revient en mémoire à propos de la figue africaine, ainsi nommée dès le temps de Caton, au IIe siècle avant notre ère, qui s'en servit pour frapper les esprits. Brûlant d'une haine mortelle contre Carthage, inquiet pour la sécurité à venir des Romains et clamant à chaque séance du Sénat qu'il fallait détruire Carthage, il apporta un jour à la curie une figue précoce qui provenait de cette province, en la montrant au sénateur. « Je vous demande, dit-il, quand vous pensez que ce fruit était cueilli ?» Tous convenant qu'il était frais. « Eh bien, répliqua-t-il, sachez qu'il a été cueilli à Carthage il y a 3 jours, tant l'ennemi est près de nos murs. » Et aussitôt, on entreprit la 3e guerre punique où Carthage fut détruite, bien que Caton fût disparu l'année qui suivit cette allocution. En ce trait, que devons-nous admirer d'abord ? Une occasion ingénieusement ménagée ou offerte par le hasard ? La rapidité du trajet, la véhémence de Caton. Ce qui est par-dessus tout, et je ne vois rien de plus étonnant, c'est que cette grande ville, qui pendant 120 ans avait disputé l'empire du monde, Carthage fut renversée par un argument tiré d'un seul fruit. Une figue a fait ce qu'elle avait pu faire le souvenir de la Trébie, de Trasimène, de Cannes, des fêtes de Rome, où le nom romain semble enseveli, du camp carthaginois placé à 3000 de Rome, et d'Hannibal lui-même venant à cheval devant la porte colline. Tant avec un fruit Caton rendit Carthage plus proche. On considère comme les bois les plus durables l'ébène, le cyprès et le cèdre. Le temple de Diane à Éphèse est une épreuve célèbre de la qualité de ces bois, car on mit 120 ans à l'achever avec les cotisations de l'Asie tout entière. On reconnaît unanimement que le toit en effet avait des poutres de cèdre. Les portes sont de cyprès. Elles durent depuis plus de 400 ans et sont absolument comme neuves. Il ne faut pas oublier, à propos du gui, l'admiration que les Gaulois ont pour cette plante. Au jeu des druides, c'est ainsi qu'ils appellent leur mage. Rien n'est plus sacré que le gui et l'arbre qui le porte, si toutefois c'est un rouvre, variété de chêne. Le rouvre est déjà, par lui-même, l'arbre qu'ils choisissent pour les bois sacrés. Il n'accompagne aucune cérémonie religieuse sans son feuillage, à tel point qu'on peut supposer au nom de druide une étymologie grecque. Pline veut dire que druidai peut venir du grec drus, chêne. Après une page sur les pépinières, les provins. C'est la nature encore qui a enseigné l'art de provigner. Les ronces, s'infléchissant parce qu'elles sont trop grêles et trop longues, enfoncent en terre les extrémités de leurs rameaux et donnent naissance à une nouvelle tige. Elle remplirait tout si la culture ne s'y opposait pas, à tel moins qu'il pourrait sembler que les hommes sont nés pour soigner la terre. Jusque-là, la nature a été notre maîtresse. Mais la greffe enfante nous a été enseignée par le hasard, autre maître, et qui a peut-être fourni plus d'enseignements. Un cultivateur soigneux, voulant donner à sa cabane la palissade d'une haie, enfonça dans du lierre vif ses pieux, pour les préserver de la pourriture. Les pieux, saisis par la lèvre vivante de la plaie faite au lierre, puisèrent la vie à une vie étrangère, et l'ont reconnu qu'une tige peut tenir lieu de terre. Ainsi, pour greffer, on fend doucement le tronc par le milieu, un coin mince tient écarté les deux côtés de la fente jusqu'à ce que le greffon taillé en pointe y ait pénétré. De quelques prodiges liés aux arbres. Nous avons à latin les mémoires de Epidius, où l'on trouve que des arbres ont même parlé. Au-dessus de tous les prodiges dont on n'a jamais ouï parler, nous mettrons celui qui s'est opéré de notre temps, lors de la chute de l'empereur Néron, dans le territoire des Marussins, en Italie centrale. Une plantation d'oliviers, qui appartenait à Vettius Marcellus, un des premiers de l'ordre équestre, franchit tout entière la grande route et des champs qui étaient de l'autre côté vers remplacer les oliviers.